Yanda Zambadikamo Nemanda no Nirati Diako Yakimangi Tankira Moza Skofa Vinitsara Bebe Et toi Tika Reviar Kasamba Tehe Zandekano Tiens, n'attaque pas moi.